tu languis, je ne peux résister. Tes yeux m'aiment en thématique, si ce n'est ton corps explosé. Tu m'invites à m'asseoir, je m'exécute. Et bien que près de toi, en rien je ne percute, je ne sais rien de toi. Assurément moins que toi, mais j'ai le cœur à la dérive. En proie, allez-moi, deux ou trois mots suffisent. Accorder le diapason à la passion l'emporte. Sur la décence et la raison, tu es si jolie. C'est les dieux qui m'ont béni, mais ceci reste espiègle. Et à perturber nos vies, l'alcool monte à la tête. Et nos cœurs se frôlent, épaule contre épaule, nous perdons tout contrôle. Une histoire à l'audronce, tant pis quand j'y fonce. Une histoire à l'audronce, dans laquelle je m'enfonce. Une histoire à l'audronce, tant pis quand j'y fonce. D'avoir eu crise dans mes entrailles et mon bas ventre sur la piste de danse. Tout te regarde, le sable sang, tu te frottes à moi. Une prépondérance me lance, ce choc a une excroissance dont je ne sers pas d'évidence. La nuit débute à peine, mais elle s'annonce taurine en compagnie de cette reine. Tu t'oublies un tournoi noir vacille, levé contre moi. De sa langue elle me titille, je n'en puis plus. Elle lui propose mon gîte sans hésiter une seconde. La belle accepte mon invite. Je compris plus tard, trop tard, que la reine était roi. Mais l'osmose est en parfait, je m'accommande à nos stars. Une histoire à l'audronce, tant pis j'ai qu'on j'y fonce. Une histoire à l'audronce, dans la caresse de mon fond. C'est l'histoire à l'audronce, tant pis j'ai qu'on j'y fonce. Sublime, splendide, tu rayonnes de beauté, les vrais feux mettent en vie. Les âmes se battent, subjuguées, oui, quand le réveil sonne. J'admire tes formes, ta forme, mais je conçois en cela que nous soyons non conformes. Mais quel plaisir de t'aimer, au-delà de ton identité. Que tu sois né Gérard, ne t'empêche pas de juger. Une histoire à l'audronce, tant pis quand j'y fonce. Une histoire à l'audronce, dans laquelle je m'enfonce. Une histoire à l'audronce, tant pis j'ai qu'on défense. Une histoire à l'audronce, dans laquelle je m'enfonce.